un ascenseur. Faut que tu payes la somme rapidement. Tabac jusqu'au dernier battement de cœur. J'ai bien trop de rancœur. On est high comme un ascenseur. Faut que tu payes la somme rapidement. Tabac jusqu'au dernier battement de cœur. On a grandi dans le piège. Le 6.3 va te coller au siège. Tu sais que t'as l'habitude de parler beaucoup, mais jamais de ta vie t'as sorti le fer. 0 à 100 trop rapidement. 50k je l'ai fait facilement. La nuit je ferme même plus les paupières. Je pense qu'à acheter tout le bâtiment. Ça rafale comme si on était à Raqqa. On est né dans le fracas. 47 sur mon AK. J'suis comme un viking sur le dracard. Prends tout le bif sans demander pardon. Villa sur la côte avec balcon. On appelle ça le prix du charbon. C'est comme ça que fonctionnent les patrons. Frérot, j'suis dans le BNB. J'recompte toute la somme. V12 dans le Cayenne, tu fais aucun bénéf, ça vient des HLM. V12 dans le Cayenne, tu fais aucun bénéf, ça vient des HLM. On est dans l'esprit, joue comme un frère de la Palestine. Faut que les millions apparaissent vite, et mon 45 te fera danser. Si tu payes pas dans les temps, c'est plutôt sain. Je cache de la banque, un as dans la manche, c'est pas une légende. Trop de boutards, raconte pas ton dos. On va te graille comme combo. Pas esquiver le combo, j'ai toujours un œuf comme Rondo. C'est la vie rapide, je veux les euros par la pyramide. Faut coûter le bif, c'est ma thérapie. T'es un acteur, moi t'es radzi. J'arrive et tu sens le danger. J'pull up et j'te fais chanter. Moi c'est 2-2. Enchanté, j'regarde la graine pousser. Juste après l'avoir planté. J'regarde la graine pousser. Juste après l'avoir planté. Frérot, j'suis dans le BNB. J'recompte toute la somme. V12 dans le Cayenne, tu fais aucun bénéf, ça vient des HLM. V12 dans le Cayenne, tu fais aucun bénéf, ça vient des HLM.